Chapitre 270. L'interdiction d'envier les autres. C'est-à-dire, désirer que disparaissent les bienfaits dont jouit une personne, que ces bienfaits soient d'ordre religieux ou matériel. Allah Ta'ala dit: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Sourate 4, verset 54. On pourrait citer ici le hadith numéro 1567 rapporté par Anas au chapitre précédent. 1569. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: prenez garde de ne pas envier les autres, car l'envie consume les bonnes actions, comme le feu consume le bois. Ou il a dit: l'herbe. Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah.